Achevez votre histoire, Gabriel Ardalionitch. Je vous promets de ne plus vous interrompre. Soit. Afanassy Totski, comme je vous le disais, avoua tout au général Yepanchin. Et c'est à partir de ce moment que le général Yepanchin intervint énergiquement dans l'affaire. Ils se rendirent chez Nastassia Philippovna. Afanassy Totski, les larmes aux yeux, lui exposa toute l'horreur de sa situation. Le général Yepanchin, à son tour, déclara à Nastassia Philippovna que le sort de sa fille aînée, et peut-être même celui de ses deux autres filles, se trouvait entre ses mains. « Je crois pouvoir compter sur la noblesse de vos sentiments, madame. »« Je n'ai nulle intention de vous nuire, général. Au contraire, je suis prête à vous venir en aide. Encore faut-il que je sache ce que vous attendez au juste de moi. » Alors, Afanassy Totski lui dit que quelques années auparavant, elle l'avait effrayée à tel point que seul son mariage pourrait le rassurer entièrement. Qu'en dites-vous, prince ? N'était-ce pas habilement amené ? Et qui, monsieur Totski, proposa-t-il cette fois pour époux, Nastassia Philippovna ? Tiens ! En dépit de votre faculté de lire dans le passé, il y a tout de même des choses que vous ignorez. Oui. Certains détails m'échappent souvent. C'est un peu comme s'ils étaient noyés dans les trous profonds d'une rivière. Comprenez-vous ? Tout ce que je comprends, prince, c'est que vous ne savez pas qui Afanassy Totski a proposé à Nastassia Philippovna pour époux. Eh bien, je vais vous le dire. C'est moi. Oui, évidemment. C'est bien ce que j'avais cru comprendre tout à l'heure. Dites-moi, prince, vous qui n'ignorez rien, pourquoi les Russes boivent-ils tant ? Je ne sais pas. Pour échapper à leurs dures conditions, peut-être. Ou pour étancher la soif de leur âme que rien d'autre ne vient abreuver. Et quoi encore ? Pour avoir les ailes des oiseaux qui s'élancent vers l'azur, peut-être ? Des bêtises que tout cela, prince. Les Russes boivent pour s'abaisser davantage. Vous calomniez délibérément vos compatriotes. Ce n'est pas bien. Mais c'est un fait ! Nos compatriotes boivent pour pouvoir se vautrer à leur aise dans la fange. Ils en tirent une jouissance aiguë. Vous vous égarez, Gabriel Ardalionitch. Prenez mon cas, prince. Après avoir promis au général Yepanchin d'épouser Nastassia Philippovna, je me suis enivré pendant un mois. Que croyez-vous que je cherchais dans l'alcool ? Eh bien, la confirmation de ma déchéance. Car j'ai consenti à demander la main de cette femme, sachant qu'elle était la maîtresse d'Afanassy Totski, et sans éprouver pour elle le moindre sentiment. Qu'en pensez-vous, prince ? Je pense que vous auriez dû refuser d'épouser Nastassia Philippovna. Refuser ? Vous êtes bon. Je n'ai pas seulement donné mon consentement, j'ai fait plus. J'ai permis au général Yepanchin d'assurer Nastassia Philippovna que je l'aimais passionnément et pour elle-même. C'était plutôt les 75 000 roubles de sa dot que j'aimais passionnément. Et Nastassia Philippovna a cru à votre amour ? Au début, peut-être. Mais, intelligente comme elle est, elle a vite compris les raisons véritables qui m'avaient incité à accepter ce marché. Et elle a décidé que j'avais une âme vile et cupide. Cependant, elle a continué à vous recevoir chez elle. Oui, prince. Nastassia Philippovna me recevait. Nous parlions peu, comme si la pudeur devait en souffrir. Cependant, elle admettait que je lui fasse la cour, tout en répétant... Mais je ne veux pas que vous vous croyiez engagé en quoi que ce soit envers moi, Gabriel Ardalionitch. De mon côté, je me réserve le droit de dire non. Et ce, jusqu'au jour de notre mariage. Si celui-ci doit vraiment avoir lieu. Un soir, fixant sur moi ses yeux profonds et brillants, elle m'a jeté à brûle-pourpoint. Je suis au courant de l'aversion que manifeste votre famille à l'égard de notre union. Mais cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que nous trouvions en nous suffisamment de force pour nous supporter une fois mariés. Je lui ai répondu que non seulement nous nous supporterions, mais que nous serions heureux. Heureux comme deux bagnards enchaînés au même boulet. Écoutez, Gabriel Ardalionitch, si je ne réussis que rarement à me rendre compte de ce qui se passe dans mon cœur. Par contre, je devine presque toujours les sentiments qui agitent le cœur des autres. Je sais qu'en consentant à m'épouser, vous vous êtes juré dans votre fort intérieur de vous venger plus tard sur moi, de me faire durement payer votre... Oh, disons, votre complaisance. Nastassia Philipovna vous a dit cela? Dieu l'a donc gratifié d'un don surprenant de lire dans les âmes. J'aurais dû m'en douter. Oui, prince. Elle m'a dit cela. Elle a ajouté... Mais détrompez-vous. Vous n'aurez pas votre revanche. Je ne suis pas seulement une femme déchue, je suis également une femme méchante. N'essayez pas de montrer les dents, ou je vous écraserai comme on écrase un serpent, ce que vous êtes en réalité. Et que pensez-vous, prince, que j'ai fait en entendant ces paroles? Que je me suis levé et que j'ai claqué la porte derrière moi? Eh bien non. Je suis resté sur ma chaise, et je lui ai juré sur la tête de ma mère que jamais une idée de vengeance quelconque n'avait effleuré mon esprit. Elle a cherché mes yeux de son regard pénétrant, et je me suis hâté de dire « Je vous aime et je vous estime. » Le jour où vous me direz « Gabriel Ardalionitch, j'ai décidé de me marier avec vous », ce jour-là, Nastassia Philipovna, je me sentirai au comble du bonheur et de la félicité. Comment avez-vous pu vous abaisser à tel point, Gabriel Ardalionitch? Après tout, les 75 000 roubles dont M. Totski a promis de doter Nastassia Philipovna... Ce sont très peu de choses, n'est-ce pas? Vous avez raison. Cette somme peut paraître ridicule au général Yepanchin ou à Afanassi Totski. À mes yeux, elle est énorme. C'est ma seule et unique chance d'échapper à la médiocrité de ma condition. Me comprenez-vous maintenant, prince? Je vous comprends, mais à mon grand regret, je ne peux pas vous approuver. Méfiez-vous de votre ambition démesurée, c'est votre pire ennemi. Elle vous perdra irrémédiablement. Comme vous y allez, prince. Ah, mais ne vaut-il pas mieux se perdre irrémédiablement que de continuer à courber les chines et à ramasser les miettes qu'un général Yepanchin ou un Afanassi Totski laissent tomber de leur table? Voilà, prince. Je crois vous avoir conté cette vilaine affaire dont je suis, pour ainsi dire, le pivot. Cependant, j'ajouterai encore, mais peut-être l'avez-vous déjà compris, que c'est ce soir que Nastassia Philipovna doit dire si elle consent à devenir ma femme. Si oui, le général Yepanchin lui offrira à ma place un superbe collier de perles comme cadeau de fiançailles. Le général Yepanchin, dites-vous? Je comprendrais mieux que si c'était M. Totski, mais le général... Gabriel Ardalionitch, vous ne m'avez pas tout dit. Ne me suis-je pas montré suffisamment crotté devant vous? Dois-je vous dire encore que si le général Yepanchin offre à ma place des perles à Nastassia Philipovna, c'est parce que je... C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, Pierre Noël, avec Pierre Bertin et Sylvia Montfort. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.